Chapitre 14. Pendant quelques moments, Louis Richard et Saint-Hérem gardèrent le silence. Le fils de l'avare prit le premier la parole et dit à son ami avec effusion : « Je ne puis t'exprimer, Florestan, combien me touche ton mouvement de sensibilité. Il est si en rapport avec ce que j'éprouve dans ce triste moment. Que veux-tu, mon ami ? Je n'éprouvais, tu le sais, aucune sympathie pour mon oncle. J'ai pu faire sur lui et dans l'hypothèse de son héritage de ses plaisanteries à la Molière, et pour ainsi dire traditionnelles, railleries d'autant moins graves d'ailleurs que ceux dont on plaisante sont en parfaite santé. Mais dès qu'il s'agit d'un événement aussi horrible que celui dont mon oncle et sa fille peuvent avoir été victimes comme ton pauvre père, il faudrait avoir un cœur de bronze et une cupidité infâme pour ne songer qu'à l'héritage et ne pas se sentir profondément attristé. Quant à ce que je pense de l'avarice, cette passion dont les conséquences sont si fécondes, je ne rétracte rien. J'aurais seulement donné à ma pensée un tour plus sérieux, si j'avais prévu qu'il s'agissait pour moi d'une question, pour ainsi dire, personnelle. Mais tu le vois, je ne suis pas du moins de ces héritiers qui accueillent l'héritage avec une joie cynique. Maintenant dis-moi, Louis, et pardonne à la nécessité d'une question qui va raviver ta douleur. Dans les pénibles recherches que tu as faites pour retrouver ton père, rien n'a pu te donner l'espoir que mon oncle et sa fille auraient échappé à cette mort affreuse. Tout ce que je puis te dire, Florestan, c'est que je me rappelle parfaitement n'avoir vu ni ton oncle ni ta cousine parmi les personnes blessées ou mortes sur le coup. Quant aux victimes dont ils ont sans doute, hélas, partagé le sort ainsi que mon père, il était impossible de reconnaître leurs traits. C'était un amas sans nom de corps calcinés, réduits presque en charbon. Louis s'interrompit à ce terrible souvenir et ses larmes coulèrent encore. Selon toute probabilité, mon pauvre Louis, et ainsi que tu me l'as dit, mon oncle et sa fille devaient se trouver dans le même wagon que ton père. Ils auront peut-être partagé son sort. Je vais d'ailleurs écrire à Dreux et faire de nouvelles et actives recherches. Si tu apprends de ton côté quelque chose de nouveau, préviens-moi. Mais j'y songe, au milieu de tant de tristes incidents. J'avais oublié de te demander des nouvelles de Mariette. Il s'agissait d'un cruel malentendu ainsi que tu l'avais soupçonné, Florestan. Je la trouvais plus tendre, plus dévouée que jamais. Son amour sera du moins pour toi une précieuse consolation à tes chagrins. Allons, bon courage, mon pauvre Louis, courage, et à bientôt. Tout ce qui vient de se passer resserre encore les liens de notre amitié. Ah, Florestan, sans cette amitié, sans l'affection de Mariette, je ne sais comment je pourrais supporter le coup qui m'accable. Adieu, mon ami, et tiens-moi aussi au courant de ce que tu découvriras relativement à ton oncle. Les deux amis se séparèrent. Resté seul, Louis réfléchit longtemps à la conduite qu'il devait tenir. Sa détermination arrêtée, il plaça dans son sac de nuit la somme en or qu'il avait découverte, prit le testament de son père et se rendit chez son patron, notaire et ami du défunt, ainsi que Louis venait de l'apprendre en lisant les dernières volontés de l'avare. Le notaire, douloureusement frappé des détails de la mort plus que probable de son client, tâcha de consoler Louis et se chargea des formalités légales qui devaient constater le décès de M. Richard Père. Ces arrangements convenus, Louis dit à son patron : « Maintenant, monsieur, il me reste une question à vous adresser. Les tristes formalités dont vous parlez étant remplies, pourrais-je disposer des biens de mon père ? Certes oui, mon cher Louis. Voici donc, monsieur, quelles sont mes intentions. Je vous apporte une somme qui se monte à plus de 200 000 francs. Je l'ai trouvé dans un de nos meubles. Sur cette somme, je désire assurer une pension de 1 200 francs à la marraine d'une jeune orpheline que je dois épouser. Mais cette jeune fille est-elle dans une position de fortune qui... Mon cher patron, répondit Louis, en accentuant les paroles suivantes d'un ton ferme et résolu, cette jeune fille est ouvrière et vit de son travail. Je l'aime depuis longtemps, aucune puissance humaine ne m'empêcherait de l'épouser. Soit, dit le notaire, comprenant l'inutilité de ces observations. La pension dont vous parlez sera constituée au bénéfice de la personne que vous m'indiquerez. Je désire prendre ensuite sur la somme dont nous parlons 15 000 francs environ, afin de monter notre ménage d'une manière convenable. 15 000 francs seulement ? Dit le notaire, surpris de la modicité de cette demande. Cela vous suffira ? Ma fiancée comme moi, mon cher patron, habituée à une vie pauvre et laborieuse, nos désirs ne s'élèvent pas au-delà d'une modeste aisance. Aussi, un revenu de 1 000 écus par année, joint à notre travail, nous suffira largement. Comment joint à votre travail ? Vous comptez donc ? Restez dans votre étude, si vous ne trouvez pas que j'ai démérité de votre intérêt. Votre femme restait ouvrière et vous, clerc de notaire, avec plus de 100 000 livres de rente. Je ne puis, je ne veux me résoudre à croire que cette grande fortune me soit acquise, mon cher patron, et lors même que toutes les formalités judiciaires établiraient la mort probable de mon malheureux père, je conserverai toujours au fond du cœur une vague espérance de revoir celui que je regrette, que je regretterai toujours. Hélas, vous vous abusez, mon pauvre Louis. Je m'amuserai le plus longtemps possible, monsieur, et tant que durera cette illusion, je ne me croirai pas libre de disposer des biens de mon père, si ce n'est dans la limite que je vous indique. L'on ne saurait, mon cher Louis, agir avec une plus parfaite, une plus honorable réserve. Mais quel emploi ferez-vous de l'excédent de ces grands biens ? Je ne prendrai à ce sujet aucune résolution, monsieur, tant que je conserverai la moindre espérance de retrouver mon père. Veuillez donc demeurer dépositaire de ces richesses et les gérer comme vous les avez gérées jusqu'ici. Je ne puis que vous louer, que vous admirer, mon cher Louis, répondit le notaire avec une émotion profonde. Votre conduite est d'ailleurs conforme à celle que vous avez toujours tenue. Vous ne pouviez mieux honorer la mémoire de votre père qu'en agissant ainsi. Il sera fait comme vous le désirez. Je resterai dépositaire de votre fortune, et cette somme en or restera ici intacte, sauf ce que vous prélèverez pour vos besoins. Je vais, dès aujourd'hui, dresser le contrat de pension viagère dont vous m'avez parlé. À ce sujet, mon cher patron, je dois entrer dans un détail qui, peut-être, vous semblera puéril, mais qui, cependant, a son côté pénible. Que voulez-vous dire ? La pauvre femme à qui je désire assurer cette pension a été si cruellement éprouvée par le malheur durant sa longue vie que son caractère, généreux au fond, s'est aigri et est devenu farouche, défiant. La moindre promesse de bonheur serait vaine à ses yeux si cette promesse ne s'appuyait pas sur une preuve palpable, matérielle. Aussi, pour convaincre cet infortuné de la réalité de la pension dont nous parlons, j'emporterai 15 000 francs en or. Ils représenteront à peu près le capital de la rente viagère. C'est le seul moyen de convaincre cette pauvre femme de mes bonnes intentions pour elle. Rien de plus simple, mon cher Louis. Prenez ce que vous désirez, et dès aujourd'hui l'acte sera dressé. Louis, quittant le notaire, se rendit chez Mariette.